Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le coup d'État de 1954 au Guatemala. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that, we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. Le vice-président américain Richard Nixon, lors d'une conférence de presse en compagnie du colonel Carlos Castillo Armas en février 1955 au Guatemala. Dans cet extrait, le vice-président américain félicite le peuple guatémaltèque et le colonel Armas, le nouvel homme fort du pays qui a été mis en place d'ailleurs par Washington lors du coup d'État de 1954. Il les félicite pour avoir réussi à chasser du pouvoir le gouvernement de Jacobo Arbenz, un gouvernement communiste au dire de Nixon. Le coup d'État de 1954 au Guatemala est en quelque sorte historique, ce coup d'État téléguidé par la CIA deviendra un peu l'exemple à suivre pour les autres coups d'État qui porteront par la suite la signature de la CIA. juin, Guatemala. Venu du Honduras et soutenu par les forces spéciales des États-Unis, des adversaires du régime Arbenz envahissent le Guatemala. À New York, le délégué américain aux Nations Unies fait écarter la plainte que le Guatemala adresse à l'ONU. Une semaine plus tard, le 27 juin, le président Arbenz doit abandonner le pouvoir qui passe entre les mains d'une junte militaire commandée par le colonel Castilla Armas. Élu en 1950, le président Arbenz avait tenté de libérer son pays de la tutelle de l'United Fruit, une compagnie américaine qui détenait le monopole de la banane, l'une des principales ressources économiques du Guatemala. En 1952, il avait entrepris une grande réforme agraire basée sur l'expropriation des grands domaines mal exploités et sur la redistribution des terres ainsi récupérées aux paysans pauvres. Voici résumé en quelques mots les circonstances entourant le coup d'État de 1954 au Guatemala, extrait de l'émission « Le troisième quart de siècle » diffusée le 26 décembre 1975. Pour nous raconter ce coup d'État de 1954 au Guatemala, je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur, revenons sur l'implication de la CIA dans ce coup d'État de 1954. Je pense qu'on peut dire tout de suite, Mylène Desautels, que si la CIA joue un rôle fondamentale dans ce coup d'État, le résultat du coup d'État, le fait que l'opération soit un succès, c'est aussi fondamental pour la CIA. Oui, effectivement. La CIA est toute jeune. 1947, elle vient de voir le jour dans le cadre de la guerre froide. Et c'est une de ses premières opérations qu'elle appelle secrète pour influencer un changement de gouvernement dans un pays. Il y avait déjà eu en 53 en Iran un changement. Ouais. Elle s'était félicitée de ça. Mais la façon dont ça va se passer au Guatemala, l'opération qu'elle nomme PB Success, hein, donc qui annonce son succès, devient vraiment le modèle pour elle à suivre, la façon de faire discrète et à la fois discrète et économique, ouais, pour changer le gouvernement à sa convenance. Alors, dans quel contexte, politique se déroule ce fameux coup d'État de 54 au Guatemala? En 54, on est en pleine guerre froide. On est vraiment dans des années de grande tension et l'Amérique latine va avoir un rôle assez particulier parce que chez elle, on a à la fois l'effet de la doctrine Truman qui est annoncée après la Deuxième Guerre mondiale. Truman dit qu'il faut endiguer le communisme, ouais, là où il est, éviter qu'il se répande davantage. Et l'Amérique latine, pour les Américains, c'est leur arrière-cour. Ouais. Ce l'est depuis le 19e siècle et cette approche-là, on l'appelle la doctrine Monroe. Mm-hmm. Donc, les Américains ne se mêlent pas des choses en Europe, des affaires européennes, mais se permettent évidemment d'avoir la mainmise sur l'Amérique latine. Et ouais, ça va amener au cours du temps beaucoup d'interventions militaires ponctuelles, parfois même certaines guerres à Cuba en 98, mais l'idée des Américains, c'est que l'Amérique latine, c'est leur arrière-cour. Et cette idée-là, donc, elle est doublée, donc, de ce contexte de la guerre froide. Donc, vous touchez pas à notre arrière-cour. Puis en plus, ce qui est nouveau avec la guerre froide, c'est qu'on a peur tout à coup du communisme et on veut le combattre de toutes les manières possibles. Parlons un petit peu de la situation interne, parce que ça va jouer aussi la situation politique et économique particulière du Guatemala au moment du coup d'État de 54. Donc, le Guatemala, petit pays au sud du Mexique, indépendant depuis 1842 de l'Espagne, et qui a toujours eu une succession de dictateurs à sa tête, souvent très proche des Américains. Et c'est un pays où il y a une minorité des descendants de colons espagnols et les intérêts américains qui possèdent l'ensemble des terres. Et la vaste majorité de la population guatémaltèque, notamment les Mayas, sont relégués dans des terres très pauvres, sont très rarement propriétaires de la terre et travaillent comme main-d'œuvre bon marché pour les grandes compagnies américaines qui exploitent le sol. Et les compagnies qui sont là, il y en a une, on y reviendra dans un instant, mais c'est une compagnie qui produit des bananes. En fait, je vous dis ça parce qu'au fond, ce que vous décrivez, je sais que Pablo Neruda, par exemple, va utiliser cette expression « République de bananes », c'est vraiment ça. Oui. C'est la République de bananes typique, le Guatemala de l'époque. Quel est l'élément déclencheur, Mylène Desautels, qui est derrière ce coup d'État de 1954? Donc, vous en avez parlé, il y a une compagnie extrêmement importante que les Guatémaltèques appellent El Pulpo, la pieuvre, et qui est omniprésente dans le pays, qui a des grandes possessions terriennes et qui exploite donc des fincas de bananes. Elle emploie jusqu'à 40 000 personnes et elle possède le chemin de fer, la poste et même le seul port qui donne sur les Caraïbes du pays est opéré par cette compagnie, United Fruit Company. Et en 1944, il y a une première révolution démocratique qui va renverser le dernier dictateur et instaurer donc la démocratie au Guatemala. C'est une première révolution qui n'est pas radicale. Il y a quelques réformes de fait, mais dans l'ensemble, c'est assez modéré et c'est surtout d'amener la démocratie au Guatemala. Là où ça va se corser, c'est à partir des années 1950. En 51, l'héritier de ce premier gouvernement-là, c'est un dénommé Jacobo Arbenz, qui est issu de l'armée. Et lui est élu en 51 avec une idée de faire une réforme agraire. Mm-hmm. Et c'est là que l'alerte va être sonnée à Washington et à la United Fruit Company, cette idée de redistribuer une partie des terres guatémaltèques au peuple guatémaltèque. Oui. Et il y aura un fameux décret, le décret 900, qui sera l'élément déclencheur, qui va cristalliser, en fait, cette menace, entre autres pour la United Fruit Company, parce que c'est vraiment cette compagnie-là qui est le plus directement touchée par cette réforme agraire, ce qui fait qu'elle va jouer un rôle important dans le fait que Washington va décider d'appuyer l'organisation d'un coup d'État. La United Fruit Company sonne un peu l'alarme à Washington. En fait, ce que dit la compagnie, c'est on fait face à une réforme inacceptable, à un gouvernement communiste très, très proche de Moscou. On écoute un petit extrait d'un film de propagande de la United Fruit Company qui en dit très, très long à ce sujet. But before we show you some of the reasons why the Kremlin must hate bananas. Avant de vous expliquer pourquoi le Kremlin déteste les bananes, jetons un œil à cette carte de l'Amérique centrale, là d'où proviennent la plupart des fruits. L'Amérique centrale, comme son nom l'indique, est le cœur des Amériques. À quelques jours des États-Unis en bateau, à quelques heures en avion et à quelques minutes pour un missile téléguidé. Il n'est donc pas étonnant que les agents du communisme international en Amérique centrale cherchent à détruire les entreprises qui financent et soutiennent l'école agricole panaméricaine. Il est maintenant facile de comprendre pourquoi le Kremlin déteste les bananes. It's easy to understand, therefore, why the Kremlin hates bananas. Pourquoi le Kremlin déteste les bananes, ça en dit beaucoup. C'est un film de propagande de la United Fruit Company. Quel rôle va jouer la compagnie Mylène Desautels dans la décision de Washington d'appuyer l'organisation d'un coup d'État au Guatemala en 54? Premièrement, la compagnie réagit très mal au fait que le décret 900 propose de racheter une grande partie de ses terres arables. Parce qu'il faut comprendre qu'elle possédait une immense partie du Guatemala, mais ne cultivait pas tout. Ouais. Et donc, ces terres-là étaient laissées en friche. Et le décret 900 dit « on vous rachète ces terres-là au prix que vous déclariez dans vos impôts. Mm-hmm. » Alors, ce n'est pas une nationalisation sans compensation. Et là, la United Fruit dit « non, il n'y en est pas question. Nos terres valent beaucoup plus que ce qu'on déclarait sur nos propres impôts. » Et là, donc, décide d'alerter la Maison-Blanche. Et à Washington, on a une oreille attentive parce que la United Fruit Company est très, très bien branchée à la Maison-Blanche. Entre autres, Alan Dulles, qui est le chef de la CIA à cette époque-là, est encore sur le conseil d'administration de la United Fruit. Et son frère, John Foster Dulles, qui est le secrétaire d'État du gouvernement Eisenhower, a été l'avocat de la compagnie. Alors, disons que l'entrée se fait très très bien. Et ce que la United Fruit Company dit, c'est qu'il y a un danger de révolution communiste au Guatemala. Alors, et que les intérêts de la libre entreprise sont menacés par ce décret 900 du gouvernement Arbenz. Et évidemment, dans ce contexte qu'on a décrit de guerre froide, de peur aux États-Unis du communisme, c'est le macartisme à ce moment-là aussi. Exactement. On achète, passez-moi l'expression, tout ça, toute cette rhétorique de la United Fruit Company. Comment s'organise concrètement ce coup d'État de 54? Alors, la CIA se fait donner un grand budget, se fait donner une centaine d'agents qui sont donc mis sur le coup. Et on a un camp de base en Floride hein, pour commencer un plan pour renverser donc Arbenz. Et il va y avoir plusieurs volets. Un premier volet, c'est militaire. On cherche un opposant à Arbenz qui avait déjà tenté un coup militaire, qui est réfugié au Honduras et on prend contact avec lui. Castillo Armas, on l'entendait au début. Ouais. Et donc, avec Armas, on va l'armer. On va lui demander de recruter des opposants, des rebelles. On va même lui donner des avions, des bombardiers pour pouvoir donc mener cette attaque-là à partir du Honduras. Ce volet-là va être particulier parce que il est mené un peu tout croche. Ouais. Castillo Armas a 480 hommes. C'est pas une armée d'invasion. Et il fait toutes sortes de gaffes. C'est un peu une tragicomédie. Et donc, ce volet-là, malgré l'appui de la CIA, ne sera pas nécessairement le plus important. Ouais. Il y a aussi un volet diplomatique. On va essayer d'organiser un boycott. En fait, il y a différents boycotts. Un boycott sur le café, ça va être un échec. Mais un boycott sur la vente d'armes, ça va être une réussite. Le gouvernement Arbenz, puisque je parle de vente d'armes, c'est intéressant parce que Arbenz est prévenu de l'intention de Washington de le renverser. Mais finalement, le fait qu'il soit prévenu va finir par jouer contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Donc, il apprend qu'il y a ces plans-là, que Castillo Armas est sur le coup, que la CIA aussi, qui est très présente à Guatemala City, donc travaille pour un renversement. Et donc, voulant se protéger, va décider d'acheter des armes. Toutes les ventes d'armes des pays alliés des États-Unis, notamment une qui venait du Canada, sont freinées. Et donc, lui prend contact avec la République tchèque et on lui donc propose une vente d'armes. C'est des vieilles armes capturées aux nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va passer, donc ça va être en livraison pour le Guatemala. Évidemment, la CIA l'apprend et se sert de ça en disant, ben vous voyez bien, il est de mèche avec un pays du bloc soviétique. Exactement. Et donc, c'est bien la preuve qu'on attendait que c'est une tête de pont des Soviétiques au Guatemala. C'est ce que l'ambassadeur américain annonce, que Arbenz, c'est la tête de pont pour une invasion soviétique au Guatemala. Donc, ça donne un prétexte formidable aux États-Unis, une légitimité, même auprès de l'opinion publique américaine, pour dire qu'il y a un problème au Guatemala. Parallèlement au volet militaire, au volet diplomatique de cette opération PB Success pour renverser le gouvernement Arbenz, la CIA va aussi mettre sur pied, puis ça va être très, très important, une opération psychologique propagandiste qu'on va appeler l'opération Sherwood pour renverser justement le gouvernement Arbenz. Attention Guatemala! Attention Guatemalteco! Attention Guatemala! Attention Guatemaltèque! C'est la radio Libération 63-70 kHz qui vous parle. Vous écoutez l'antenne clandestine de Radio Libération sur les ondes courtes au 63-70 kHz, diffusant d'un endroit secret de notre République. Escúchenos ustedes, habrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala. Écoutez-nous pour tout savoir au sujet du moment politique que nous vivons actuellement et sur le progrès incessant de notre grand mouvement de libération. Nos émissions contiennent de la musique, des commentaires et des nouvelles générales et nous montrerons clairement les crimes du gouvernement communiste et la force déterminée du mouvement de libération du Guatemala. De Guatemala en 6370 kilociclos onda corta. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Radio Libération, une radio clandestine qui est mise sur pied par la CIA en mai 1954, juste avant donc le coup d'État du mois de juin. Quelle force va avoir, Mylène Desautels, ce volet propagande, la dimension psychologique de cette opération PB Success, ce volet-là qu'on appelle en fait l'opération Sherwood? Exactement. En fait, c'est presque là le succès de ce coup-là. Et la CIA va vraiment se féliciter de cette façon de fonctionner, qui est encore une fois peu coûteuse, discrète. Alors, le PB Sherwood, l'opération Sherwood, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle enregistrent des émissions de radio qui annoncent l'invasion de Hamas et qui, en fait, inventent des succès militaires à Hamas en exagérant l'invasion qui s'en vient pour inquiéter les Guatémaltèques, évidemment. En plus, on paye des étudiants qui sont contre Arbenz pour faire des graffitis, pour distribuer des tracts un peu partout. Alors, la capitale a vraiment l'impression qu'il y a une grosse invasion qui s'en vient. Et c'est cette crainte-là psychologique qui va faire en sorte que les Guatémaltèques sont sûrs qu'ils ne pourront pas tenir le inévitable. Gouvernement. Exactement. Le gouvernement va tomber. Parce que dans les faits, ce qui est fascinant, c'est vrai que ça va jouer le volet psychologique, faire croire aux gens que c'est fini. Exactement. Parce que dans les faits, l'opération militaire de renversement commence le 15 juin 54. C'est une farce. Tout à fait. Tout à fait. L'armée aurait pu facilement défaire et même dans les quelques escarmouches, les 480 hommes se séparent en quatre escadrons et l'armée pouvait facilement les défaire. Mais à un certain moment, l'armée va être démoralisée parce qu'on pense que ces quatre escadrons de Hamas ne sont qu'un prélude pour l'invasion américaine, ce que l'opération Sherwood laisse entendre. Mm-hmm. Qu'il y a cette menace-là, si vous gardez Arbenz et son crypto-communisme, il y a une invasion qui s'en vient et donc, face à ça, vous ne pourrez pas résister. Ouais. Et même, on envoie des avions. Les avions d'Hamas survolent la capitale très bas. C'est une menace présente. Et on laisse tomber des tracts aussi, où on dit Arbenz, il est communiste. C'est une menace au pays. Il faut appuyer Hamas. Ouais. Alors, c'est pas le volet militaire qui va renverser Arbenz. Mmh. C'est vraiment cette pression psychologique que les Américains vont mettre à travers la CIA. Et une pression psychologique qui ferait son chemin dans l'esprit des Guatémaltèques, du peuple, mais plus que ça, dans l'esprit des militaires et même dans l'esprit du gouvernement. Arbenz lui-même, quand il démissionne, pourquoi il démissionne? En fait, quand il décide de démissionner, c'est pas parce que Hamas a envahi la capitale. Il est encore loin. C'est parce qu'il se dit « je vais sauver le Guatemala en démissionnant ». Et donc, il remet sa démission à un colonel de l'armée, Diaz, qui, lui, l'accepte, ne veut plus défendre Arbenz et se dit aussi « si on se débarrasse d'Arbenz, on se sauve, on s'épargne l'invasion américaine ouais. ». Et Diaz annonce même à la radio « Arbenz est parti, on lui a laissé faire son discours de départ, il se réfugie à l'ambassade du Mexique ». Et Diaz annonce « je maintiens toutes les réformes d'Arbenz ». Alors là, ça va pas. Là, la CIA réagit. On rencontre Diaz et on lui explique, comme on dit dans les archives de la CIA, le « facts of life », les vraies affaires. Et on lui dit « non, tu n'es pas l'homme que les États-Unis veulent. » « On ne veut pas de toi. » Exactement. Diaz doit démissionner. Et c'est là qu'après quelques négociations, c'est Hamas qu'on installe à la tête. Et le coup, comme ça, a réussi. Ouais. Alors, c'est très facilement qu'il a réussi. Presque sans effusion de sang. Oui. Et pour la CIA, mais quel succès! Oui. Hein, ça fait que ce sera le modèle qu'on reprendra par la suite, comme on le disait au tout début de l'émission. Ce coup d'État-là se fait sans effusion de sang ou à peu près. Par ailleurs, Mylène Desautels, l'impact de ce coup d'État de 54, il est énorme pour le pays, à court terme et à long terme, parce qu'il y aura un effet très, très long, très durable. À court terme, d'abord, qu'est-ce que ça change? Bon, Hamas est au pouvoir. Première chose qu'il fait, il annule le décret 900. Alors, la United Fruit Company récupère ses terres et va même être aidée par l'armée guatémaltèque à chasser les paysans qui, depuis 2 ans, s'étaient installés, cultivaient sur ces terres-là. Elle chasse ces paysans-là, aidée de Hamas. Et Hamas interdit les partis politiques, notamment le Parti communiste, et il interdit les syndicats. Et surtout, il va retirer le droit de vote aux illettrés du pays, ce qui est 2/3 de la population et la vaste majorité des Mayas. Ouais. Alors, il s'installe vraiment comme dictateur. Il ne restera pas très longtemps. Il est assassiné en 57. Et par la suite, c'est toute une série de dictateurs qui vont... ça va amener une guerre civile larvée au Guatemala qui va donner jusqu'à 200 000 morts et même un génocide des Mayas dans les années 80. Donc, un prix à payer énorme pour les Guatémaltèques à la suite de ce coup d'État de 54. À la suite du coup d'État, de la réussite de l'opération PB Success, on assiste à une autre opération, Mylène Desautels, l'opération PB History. Ça nous ramène à l'extrait de la conférence de presse qu'on entendait au tout début de l'émission, dans laquelle s'exprimait le vice-président américain Richard Nixon. On écoute un extrait plus long. Il est aux côtés de Carlos Castillo Armas. C'est important, cette opération-là, parce que c'est la façon pour les Américains d'essayer de justifier ce qui vient de se passer. There were some people during the Arbenz regime that said that there was a question as to whether it was truly a communist regime. À l'époque du régime Arbenz, certaines personnes se demandaient s'il s'agissait vraiment d'un régime communiste et s'il était véritablement manipulé par Moscou. Nous avons ici la preuve irréfutable que c'était le cas. Nous n'avons aucun doute sur le fait que la Russie contrôlait tous les communistes du Guatemala. Autrement dit, le régime Arbenz n'était pas un gouvernement du Guatemala. C'était un gouvernement étranger, contrôlé de l'extérieur. Et ça s'est produit ici même, sur le continent. Ici même, au cœur des Amériques. And that happened just here in the continent, right here in America, just here in America. C'est assez extraordinaire, cet extrait-là, avec le recul d'autant plus extraordinaire. Mylène Desautels, ça nous dit quoi? PBS 3, c'est ça, là. C'est ce Exactement. Qu'on vient d'entendre. Tout de suite après le coup d'État, on envoie d'autres agents de la CIA pour qu'ils fassent une enquête et bien démontrer que les États-Unis avaient raison, Arbenz était un communiste. Bien qu'il n'était pas membre du Parti communiste, hein, il y avait un Parti communiste, mais lui n'en était pas membre. Et les preuves qu'on va trouver, les seules preuves qu'on trouve, c'est dans sa bibliothèque. Il a des ouvrages marxistes et il a une biographie de Staline. Alors, disons que c'est assez mince comme preuve et on n'a rien trouvé de lien avec l'URSS. La seule chose que le gouvernement a eu comme lien, c'est une tentative de vente de bananes qui a avorté. Ouais. Alors disons que les Américains, Nixon est bien convaincu que la preuve est solide. Ce qui est terrible, c'est que les Américains vont acheter ça parce qu'ils présentent ça au Congrès américain et les politiciens américains sont d'accord que c'était une bonne preuve. Mais par contre, ailleurs dans le monde, en Amérique latine, on est très sévère face aux États-Unis et cette opération-là, on n'est pas dupe, ni la Grande-Bretagne et la France non plus ne sont pas dupes. Arbenz n'était pas un communiste. Ouais. La preuve de PB History est beaucoup trop mince. Ouais. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on vient d'entendre, cette conférence de presse, derrière les deux hommes, il y a cette fameuse bibliothèque. Ouais. Là, tout ce qui constitue la pseudo-preuve des liens communistes d'Arbenz. Avec le recul, quelle lecture on peut faire de ce qui s'est passé au Guatemala en 1954 et surtout des réelles motivations du gouvernement américain à organiser ce coup d'État? Ça, c'est intéressant. C'est de savoir, est-ce que c'était vraiment une pure défense des intérêts de la United Fruit Company, hein, qui a alerté Washington très rapidement, qui ne voulait pas perdre ses terres, bien qu'elles n'étaient pas cultivées, ou une peur réelle du communisme, hein, qu'on y croyait réellement que Arbenz était communiste et qu'il était la tête de pont des Soviétiques. À ce jour, les historiens ne s'entendent pas. C'est probablement un mélange des deux. Une certaine paranoïa qui va avec le mécartisme aux États-Unis, où on est vraiment convaincu que les communistes sont partout et l'invasion menace. Et en même temps, une réelle défense des intérêts de la United Fruit partout où elle est touchée en Amérique latine. Tout de suite, Washington est alerté et tout de suite, on met en place l'attirail pour défendre ses intérêts. Alors, la réponse est entre les deux. Ouais, une compagnie, vous nous l'avez très bien démontré, qui en plus a ses entrées, c'est le moins qu'on puisse dire, à Washington. On a dit que ce coup d'État aurait des suites catastrophiques et très longues et très durables pour le pays. Est-ce qu'il y a eu, après, quelques formes d'excuses que ce soit à un moment donné de la part du gouvernement américain? Les excuses sont finalement venues en 1999 par Bill Clinton. Il ne s'est pas excusé précisément pour le renversement d'Arbenz, mais plutôt pour l'appui que les Américains ont donné à tous les dictateurs du Guatemala et le frein qu'ils ont mis à la réforme, à la révolution démocratique de 1944. Et le gouvernement guatémaltèque, lui, en 2011, s'est excusé aux descendants d'Arbenz, qui est décédé depuis longtemps, et on a même offert une compensation monétaire aux descendants d'Arbenz pour s'excuser d'avoir renverser ce gouvernement démocratique. Hélène Desautels, c'était fascinant. Professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.